إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on est aujourd'hui dans le cours 14 dans la lecture du livre Ar-Radd al-Shar'i al-Ma'qul Al-Muttasil al-Majhul, écrit par le Cheikh Ahmed al-Najmi rahimahullah. Et on continue dans la partie où le Cheikh explique, où il donne des commentaires au sujet de la lettre qui a été écrite par les Ikhwan et qui a été signée par Mustafa Mashhour, qui est un des chefs des Ikhwan al-Muslimin, au sujet de la question de la jizya et d'autres points qu'on a mentionnés au cours dernier, c'est-à-dire hier. Donc aujourd'hui le cheikh il explique les points qui sont en contradiction avec l'islam dans la citation ou dans la lettre qui a été écrite et envoyée au journal par les Ikhwan à ce sujet-là. Donc le cheikh il dit لقد خالفوا الشرع الإسلامي في بيانهم هذا من عدة وجوه. الوجه الأول إسقاطهم لحكم الجزية الذي أمر الله به في كتابه ومخالفتهم لكتاب الله بذلك. Donc ils ont, le cheikh il dit qu'ils ont contredit la charia islamique dans leur texte qu'ils ont écrit dans leur explication de plusieurs points de vue. Le premier point de vue, c'est qu'ils ont fait tomber le verdict au sujet de la jizya que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné dans son livre, et ils ont contredit cet ordre-là qui est mentionné dans le Coran. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point de vue, الوجه الثاني نفيهم للصغار والذلة عن أهل الذمة الذين ألزمهم الله بها بسبب إعراضهم عن الإسلام واختيارهم البقاء على دينهم الباطل. Donc le cheikh il dit, le deuxième point de vue c'est que ils ont nié qu'il doit y avoir l'humiliation et le fait que les gens de Al-Dhimma, les chrétiens et les juifs qui vivent dans les pays musulmans, doivent être petits, hein, doivent se faire petits et doivent être humiliés, et que c'est un verdict que Allah subhanahu wa ta'ala leur a imposé à cause du fait qu'ils se sont détournés de l'islam et qu'ils ont choisi de demeurer sur leur fausse religion. Al-Wajh al-Thalith, tafsiruhum lil-Qur'an, yani ayat al-Jizya. بأهوائهم وبغير ما فسرها به الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون ومن بعدهم رحمهم الله. Le troisième point de vue, c'est leur interprétation du Coran, et en particulier le cheikh il veut dire le verset de la jizya, selon leur passion, et qu'ils l'ont interprété d'une manière qui est contraire à l'interprétation des sahaba, que Allah soit satisfait d'eux, de même que l'interprétation des tabi'in et de ceux qui les ont suivis par la suite, que Allah leur fasse miséricorde parmi les ulama et les imams de l'islam. Quatrième point, الوجه الرابع حكمهم بالمساواة بين المسلمين والكافرين حين قالوا إن المسلمين والأقباط متساوون في الحقوق والواجبات وهم بذلك أذلوا من أعزه الله وأعزوا من أذل الله ورفعوا من وضع الله ووضعوا من رفع الله وتركوا الحق ودانوا بالباطل. Donc le cheikh il dit que comme quatrième point, leur verdict qui dit qu'il y a l'égalité entre les musulmans et les kuffars lorsqu'ils disent que les musulmans et les coptes sont égaux dans leurs droits et dans leurs obligations. Et en disant ça, ils ont humilié ceux que Allah a élevés et honorés, et ils ont rabaissé ceux que Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont rabaissé ceux que Allah a élevés, et ils ont humilié ceux que Allah a élevés, et à qui Allah a donné la fierté et la force, et ils ont honoré ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a humilié. Donc ils ont honoré ceux qu'Allah a humilié et humilié ceux qu'Allah a honoré. Donc ils ont renversé la réalité à l'envers. Et ils se sont rapprochés du mensonge et de la fausseté en disant ça. Ensuite, le cheikh dit الوجه الخامس أنهم قد أضاعوا حقوق المسلمين وأهدروها حيث زعموا أنهم متساوون هم والنصارى في الحقوق والواجبات فهل هذا حال من يحب الإسلام ويدعو إليه ويدافع عنه وعن أهله أم حال من لا يبالي بالإسلام ولا بالمسلمين. Le cheikh il dit comme cinquième point, il dit que parmi les choses qu'ils ont mentionnées dans leur texte qui est en contradiction avec la charia de l'islam, il y a le fait qu'ils ont complètement détruit les droits et complètement éloigné ou gaspillé les droits qui reviennent aux musulmans. Du fait qu'ils ont prétendu qu'ils sont égaux avec les chrétiens dans leurs droits et dans leurs obligations. Donc, est-ce que cette attitude, c'est l'attitude de quelqu'un qui aime l'islam et les musulmans et qui appelle à l'islam et qui défend l'islam et les musulmans, ou bien est-ce la situation d'une personne qui n'a aucun intérêt pour l'islam ni pour les musulmans? Le point numéro 6, le cheikh il dit que أنهم حين تحاشوا أن يطلقوا أو أن يطلقوا اسم الكفر على النصارى الأقباط لا يخلو حالهم من أمرين، إما أن يكونوا فعلوا ذلك مجاملة لهم أي للأقباط وخوفا عليهم من جرح المشاعر أو خوفا من أذيتهم أو رغبة في إبقاء المودة التي بينهم مع أنهم معتقدون بأن حكمهم الكفر ولكن لا يريدون التصريح به لهم لغرض من أغراض من هذه الأغراض فهم جاهلون فساق أرضوا الأقباط بسخط الله والله يتولى جزاؤهم على ذلك. والأمر الثاني أن يعتقدوا في أنفسهم أنهم ليسوا كفارا ولا يستحقون هذا الوصف فهم بذلك قد كفروا بالآيات القرآنية التي وصفهم بها وصفهم التي وصفتهم بالكفر وحدهم كقوله تعالى في سورة المائدة في الآيتين الثانية والسبعين والثالثة والسبعين لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم كقوله في سورة المائدة أيضا الآية السابعة عشر لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقوله في سورة المائدة أيضا في الآية السابعة والسبعين قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل إلى غير ذلك من الآيات التي خصتهم بالكفر ومن الآيات التي حكمت عليهم ضمن أهل الكتاب قوله تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. Donc le cheikh explique ici comme sixième point que يعني, parmi les choses dans lesquelles ils ont contredit la charia dans ce texte, il y a qu'ils ont ils se gênent ou ils ressentent une gêne ou un embarras de décrire les juifs et les chrétiens comme étant des kuffars, et en particulier ici les juifs coptes de l'Égypte. Et le cheikh il dit que la raison pourquoi il se gêne ou il s'embarrasse de dire une chose pareille, c'est du fait que yani, c'est une des deux choses possibles, une des deux explications suivantes. La raison pourquoi ils ont honte de dire ou qu'ils sont gênés de dire que les chrétiens sont des kuffars, c'est à cause d'une des deux raisons suivantes. La première, soit que yani, ils refusent de le dire parce qu'ils veulent bien paraître. Hein, par rapport aux coptes, ils veulent paraître gentils pour eux, parce qu'ils ont peur de blesser leurs sentiments, soi-disant. Ou bien parce qu'ils ont peur de leur faire mal, de leur faire du tort. Ou bien parce qu'ils souhaitent garder avec eux de l'affection et de l'amitié. Ou bien parce qu'ils croient que... c'est ça. Comme ils veulent encore avoir des liens d'affection et d'amour et d'amitié avec eux, malgré que, au fond de leur cœur, ils croient qu'ils sont des koufars et que leur verdict, le verdict à leur sujet, c'est le kouf, mais ils ne veulent pas le dire clairement et ouvertement parce qu'ils ont ces intérêts-là avec eux et qu'ils veulent garder avec eux des relations d'amitié et d'amour. Donc, si c'est le cas, si c'est à cause de cette raison-là, ou à cause des raisons qu'on vient de mentionner, dans ce cas-là, ce sont des ignorants, des pervers, qui ont essayé de plaire à autre qu'Allah dans ce qui amène la colère d'Allah. Donc, ils ont voulu satisfaire les coptes dans qu'est-ce qui amène la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala va s'occuper de les rétribuer selon ce qu'ils méritent, si c'est ça leur raison de refuser de dire qu'ils sont des koufars. Toutefois, il y a une autre possibilité, c'est qu'ils refusent de dire ou qu'ils se gênent de dire que ce sont des koufars parce qu'ils croient en eux-mêmes que ce ne sont pas des koufars et qu'ils ne méritent pas d'être appelés des koufars. S'ils croient en ça, s'ils refusent de dire ou s'ils se gênent de dire que ce sont des koufars parce qu'ils sont gênés, parce qu'ils croient que yani, ce ne sont pas des koufars, c'est-à-dire ils veulent nier leur kouf et ils veulent essayer de dire que yani, les versets dans le Coran qui les décrivent comme étant des koufars en particulier, c'est-à-dire les chrétiens coptes et les autres chrétiens en général, que ce sont des koufars, c'est-à-dire ils nient ces versets-là et ils rejettent ces versets qui les décrivent comme étant des mécréants. Alors dans ce cas-là, bien entendu, ça c'est sûr que, comme le cheikh il l'explique plus loin, que si c'est le cas, dans ce cas-là, ils ont mécru en ces versets-là. Ils ont rejeté la vérité et ils ont rejeté la foi. Et il mentionne les versets qui parlent de ce sujet-là. Il dit dans Sourate Al-Ma'ida, les deux versets, que ce soit le verset 72 et 73, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ces deux versets-là, ce sont certes des mécréants, des kuffars, la kafara. Allah il dit clairement dans ces versets-là qu'ils ont mécru. Et ça, c'est le verset 72. Ce sont certes des mécréants, ceux qui disent, en vérité, Allah c'est le Messie, fils de Marie. Donc ça, c'est le premier verset qui mentionne la mécréance des chrétiens, c'est qu'ils disent que Allah c'est le Messie. Et ça, tous les chrétiens, aujourd'hui, ils croient en ça en général, peut-être à part les témoins de Jéhovah qui ont une autre interprétation, mais tous les autres, ils disent que Jésus c'est Dieu, incarné. Ils disent que Dieu est entré en Jésus et que c'est Dieu incarné. Donc ça, c'est la parole de tous les chrétiens aujourd'hui, sans exception. Et yani, ça c'est le verset 72. Et après dans le même verset, Allah il dit: ce sont certes des mécréants, ceux qui disent en vérité Allah c'est le Messie fils de Marie, alors que le Messie dit: ô enfants d'Israël, adorez Allah mon Seigneur et votre Seigneur. Quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis, et son refuge sera le feu, et pour les injustes pas de secoureur. Donc ça c'est une preuve de la mécréance des chrétiens. Et ensuite le verset 73, Allah subhanahu wa ta'ala, il confirme ça encore une fois en disant: ce sont certes des mécréants, laqad kafara, hein, ceux qui disent en vérité Allah est le troisième de trois. Allah c'est le troisième de trois, c'est-à-dire ceux qui croient en la Trinité, hein, qui disent que Dieu il est trois en un, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ça c'est une forme de mécréance de la part des chrétiens. Celui qui dit qu'il croit en ça, il n'est pas musulman, il n'est pas croyant du tout. Il est un mushrik et un kafir. Et ça, c'est la croyance de tous les chrétiens. Hein? Tous les gens qui se disent chrétiens, que ce soit des protestants ou des catholiques ou autres, ils croient tous en ça. Hein? Même les orthodoxes, les coptes aussi. Donc, ils croient en ces croyances-là. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des mushrikin, hein? Et les témoins de Jéhovah, eux, peut-être qu'ils disent pas la Trinité ou qu'ils croient pas en la Trinité, mais ils disent quand même que Jésus c'est Dieu ou fils de Dieu, hein? Donc s'ils disent ça, ça aussi c'est une forme de kufr également. Donc le cheikh il dit: ce sont certes des mécréants, ceux qui disent en vérité Allah est le troisième de trois, alors qu'il n'y a de divinité qu'une divinité unique. Hein? Et s'ils ne cessent de le dire, certes, un châtiment douloureux touchera les mécréants d'entre eux. Donc ça, c'est le verset clair. Ces versets-là sont clairs à ce sujet, que les chrétiens sont des kuffars. Ensuite, il mentionne le verset 17, hein, au sujet des chrétiens également, dans la même surah, dans surah Al-Ma'ida également, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit encore une fois des paroles au sujet de la mécréance des chrétiens. Donc dans le verset 17, Allah subhanahu wa ta'ala il s'adresse encore une fois aux croyants en disant: certes sont mécréants ceux qui disent, hein, laqad kafara alladhina qalu, ceux qui disent Allah c'est le Messie fils de Marie. Hein? Donc ceux qui disent Allah c'est le Messie fils de Marie, ce sont des mécréants. Et ça c'est la croyance, comme on a dit tout à l'heure, de tous les chrétiens en général. Ils croient tous en cette aqida qui fait partie de la aqida des chrétiens et qui fait partie de la aqida des mushrikines avant les chrétiens également, qui croyaient en toutes sortes de divinités, et que Dieu avait des fils et des filles, comme les Grecs de l'Antiquité, et comme les Romains également, et beaucoup d'autres parmi les peuples de Mushrikin, comme les Hindous aussi. Donc, ils croient tous que Dieu a des enfants, ou des fils, ou des filles, ou des, hein, ou des frères, ou des pères, ou des mères, des trucs de ce genre. Tout ça, c'est des formes de mécréance. Et ceux qui disent que donc que Jésus, c'est Dieu, qu'il s'est incarné, que Dieu s'est incarné en lui, qu'il est un Dieu humain, ou des trucs de ce genre, tout ça c'est des formes de kufr. Donc, ensuite, le verset continue en disant: dis au Muhammad, qui détient quelque chose d'Allah pour l'empêcher s'il veut faire périr le Messie, fils de Marie, ainsi que sa mère et tous ceux qui sont sur terre? Hein? Qui peut empêcher Allah si Allah décide de faire quelque chose? Hein, est-ce que le Messie est capable d'empêcher Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que Mariam, hein, est capable d'empêcher Allah de faire quelque chose? Bien sûr que non. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne cet exemple-là. Et s'il veut, Allah il fait ce qu'il veut, personne ne peut l'empêcher de faire ce qu'il veut. Et donc, à Allah appartient seul la royauté des cieux et de la terre et de tout ce qui se trouve entre les deux. Il crée ce qu'il veut et il a le pouvoir sur toute chose. Donc ça, c'est des versets clairs qui montrent la mécréance des chrétiens dans le Coran. Ensuite, également, le cheikh il mentionne un autre verset, c'est-à-dire le verset 73 dans Surat al-Ma'idah, et ça dit à propos des gens du livre et des chrétiens aussi, en particulier aussi, parce que les chrétiens sont compris dans les gens du livre. Al-Aya, c'est As-Sabi'a was-Sab'in, c'est le verset 77. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, « Dis aux gens du livre, n'exagérez pas en votre religion s'opposant à la vérité. Hein? N'exagérez pas en votre religion s'opposant à la vérité. Ne suivez pas les passions des gens qui se sont égarés avant cela, qui ont égaré beaucoup de monde et qui se sont égarés du chemin droit. » Donc, ça c'est un autre exemple de ce sujet-là. Puis ensuite, le cheikh, il mentionne, pour terminer, un verset qui mentionne la mécréance des gens du livre sans spécifier uniquement les chrétiens, c'est-à-dire que qui est un verdict qui implique les gens du livre en entier, c'est-à-dire les chrétiens et les juifs, et qui mentionne leur mécréance. C'est le verset 6 dans Surat al-Bayyinah qui dit « Ceux qui ont mécru parmi les gens du livre et les mouchriquins sont dans le feu de l'enfer éternel. Hein, et ceux-là sont les pires de la création. » Donc ici, le cheikh dit « Wa min huna ta'alam anna qawl murshid al-ikhwan wa munazzirihim la nashtaghilu bitakfir ahadin fa nahnu du'atun la qudat » أنه قول باطل قول ضلال من أفضل الضلال. Donc le cheikh il dit, à partir d'ici tu peux savoir que, à partir de ces versets là tu peux savoir que le chef des Ikhwan et les Ikhwan qui ont écrit cette lettre avec eux, quand ils disent on ne travaille pas ou on ne s'occupe pas de déclarer quiconque kafir ou de faire le takfir de quiconque, hein, parce que nous sommes des du'at et non pas des juges, on est des gens nous sommes des gens qui appelons à l'islam et non pas des juges, c'est une parole complètement fausse et une parole d'égarement total. Parce que on a expliqué la dernière fois que le takfir qui est blâmable, c'est le takfir des musulmans, et de déclarer des gens musulmans kuffar, de les faire sortir de l'islam sans aucune preuve et sans aucune référence du Coran et de la Sunna, comme les Khawarij le font. Ça, c'est un takfir qui est blâmable. Mais de faire le takfir de ceux que Allah et son messager ont déclaré comme tel, hein, et que Allah et son messager ont clairement déclaré kuffar, dans ce cas-là, ça, c'est pas, bien entendu, une forme de takfir qui est blâmable. C'est, au contraire, une forme de takfir qui est obligatoire. Et donc, le takfir des Juifs et des chrétiens est clair dans le Coran et dans la Sunna, et quiconque en doute ou rejette la vérité à ce sujet-là et refuse de les déclarer comme étant des kuffars, bien entendu, ils sont dans l'égarement total. Et yani, les ulama ont dit que celui qui refuse de déclarer kafir, celui qui est kafir, hein, alors dans ce cas-là, il est un kafir lui-même. Donc, le cheikh, il dit dans le point numéro 7, « Qawlu al-wajhu al-sabi' qawluhum bihurriyat al-i'tiqad al-khas » كما أكد ذلك مرشدهم مصطفى مشهور عنهم وكما ذكرت الجريدة فيما نقلناه سابقا عنها وهذا أمر خطير جدا أخطر من كل ما سبق لأنه يوجب كفر من قال به أو اعتقده كفرا يخرج من الملة وسأعود إلى هذا الموضوع بعد نقلي تمويهات نشر بعد نقل تمويهات نشرها سالم البهنساوي بعد الرد عليها وبالله التوفيق. Donc le cheikh il dit, comme septième point, il y a également la parole qui implique la liberté de croyance qu'ils ont expliqué, qu'ils ont exprimé dans cette lettre. Et le murshid, le chef de la jama'a des Ikhwan, a confirmé ça lui aussi. Et donc, comme ça a été mentionné dans le magazine et dans le journal, et le cheikh il dit, ça c'est une chose très très dangereuse et qui est plus dangereuse que tout ce qu'on a mentionné auparavant par rapport à la croyance des Ikhwan, parce que ça implique une forme de kufr que celui qui le dit, hein, celui qui croit en cette parole là, et eh ben il est un kafir, hein, il a quitté l'islam, sorti de l'islam. Et donc, le cheikh dit, le cheikh, il dit, je vais revenir à ce point-là plus tard dans la réfutation que je vais faire des paroles. Il dit, je vais revenir à ce point-là après le sujet que je vais dont je vais parler dans la réfutation des citations de Salim al-Buhansawi dans une parole qui a été diffusée à son sujet, et que donc il va laisser cette explication-là ou ce détail-là un peu plus tard. Donc il dit ici faslun fi radd shubuhat القاها سالم البوهنساوي في مجلة المجتمع تحت عنوان رأي. Donc ici le cheikh il réfute quelques shubuhat qui ont été lancées par Salim al-Buhansawi dans le magazine Al-Mujtama sous la rubrique ou sous le titre de Ra'yun, c'est-à-dire opinion. Hein, parce que ces gens-là, ils croient à la liberté d'opinion. Donc, ils pensent que quelqu'un a le droit de dire dans l'islam tout ce qui lui passe par la tête. Hein? Et le cheikh, il dit, qala lam takun al-jizya, ça c'est les paroles de Salim al-Buhansawi. Il dit, lam takun al-jizya, ikhtira'an islamiyan, fahuwa nizamun sabiqun ala l'islam, wa dawlatihi, fa nizamuha. فنظمها الإسلام وهذبها وجعلها اختيارا للشعب الذي أصرت قيادته على الحرب ثم هزمت فليس صحيحا أن الجزية ضريبة على كل مواطن وليس صحيحا أنها نظام إجباري. Donc le cheikh il dit que Salim al-Buhansawi dans ce texte dans le magazine Al-Mujtama, il a dit, la jizya, ce n'est pas une invention islamique. C'est un système qui existait auparavant, hein, avant l'islam et avant que l'État islamique soit existant. Et il dit que l'islam est venu l'a organisé, l'a corrigé et en a fait un choix pour le peuple dont les dirigeants ont persisté ou décidé de qui ont insisté à vouloir faire la guerre, puis par la suite qui ont perdu. Donc le cheikh il dit pas le cheikh mais Salim al-Buhansawi, il dit ce n'est pas correct donc de dire que la jizya est une taxe pour tous les citoyens, et ce n'est pas correct de dire que c'est un système obligatoire, hein, ou imposable. Donc le cheikh il dit, cheikh Ahmed al-Najmi il répond à ça en disant, al-jizya shar'un ilahi anzalahu Allah azza wa jal min fawqi arshihi ala lisani abdihi wa rasulihi Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam fi ayatin tutla ila yawm al-qiyamah وجعل ذلك حكما في أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى وألحق بهم المجوس لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب وذلك مقابل رفع القتل عنهم وتأمين المسلمين لهم على حياتهم وحياة نسائهم وأولادهم وأموالهم مقابل شروط تشترط عليهم وهي الشروط التي شرطها عليهم أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وليس بلازم أن نعتذر عن هذا الحكم الرباني أنه كان موجودا قبل الإسلام ومعمولا به بين الأمم وأن الإسلام قلد غيره في ذلك لأن الاعتذار بمثل هذا دفعا لقالة القائلين الذين يريدون الطعن في الإسلام وأحكامه ليزهدوا فيه من ويسدوا عنه ويسرفوا من أطاعهم عن اعتناقه إن هذا الاعتذار هو نفسه جريمة لا تقل شناعة عن القالة التي أريد بها الطعن في الإسلام. وذلك لأن هذا الاعتذار بها بهذا الأسلوب تضمن أن حكم الإسلام بالجزية ليس حكما استقلاليا نزل عند حكيم خبير وإنما هو مقلد لغيره وتابع لهم. Donc le cheikh il répond à ça et il dit donc que la jizya c'est une révélation divine que Allah a fait descendre du haut de son trône et qu'il a transmis par la langue de son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans un verset qui est récité jusqu'au jour de la résurrection. Et il a fait de ce verdict-là et de cette révélation-là un verdict pour les gens du livre parmi les juifs et les chrétiens. Et il a également inclus là-dedans les Majus, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui attribue le hadith qui dit « Faites avec eux la même chose qu'avec les gens du livre ». Toutefois, ce hadith qui est rapporté par l'imam Malik, selon Omar ibn al-Khattab, selon Muhammad ibn Ali, selon son père, a été déclaré faible par Cheikh al-Albani dans Irwa al-Ghalil, le hadith numéro 1248. Donc, bien entendu, c'est pas une référence dans la question, mais il y a d'autres hadiths à ce sujet-là. Le cheikh il dit وَذَلِكَ مُقَابِلَ رَفْعَ الْقَتْلِ عَنْهُمْ. Et ça, c'est du fait que, étant donné qu'ils n'ont pas voulu accepter l'islam, pour les gens du livre, il y a l'option de payer la jizya en échange du combat. Donc, ça, c'est pour dans le but de garder ou de préserver leur vie contre les musulmans. Il y a un lit du fait que les musulmans vont leur garder, leur laisser leur vie, leurs femmes et leurs enfants et leurs biens en échange de certaines conditions qu'ils vont respecter. Et que Omar ibn al-Khattab, le chef des croyants à l'époque, a établi sur eux. Donc, le cheikh il dit que ce verdict-là, il vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et on n'a pas à s'en excuser du fait que en disant qu'il existait avant l'islam et que c'était appliqué dans les autres nations avant l'islam et que l'islam a suivi quelqu'un d'autre dans l'application de ce verdict là parce que de venir avec ce genre d'excuses là et ce genre de réplique, en réalité, c'est pire que l'accusation qui est faite contre l'islam en elle-même. Dans le sens que la personne qui dit cette parole-là, qui dit au kuffar, par exemple, que ça, c'est pas quelque chose qui existait seulement dans l'islam, ça existait auparavant, et l'islam est venu, il l'a adopté, puis il l'a corrigé, ainsi de suite. C'est comme si, en réalité, on était en train de dire que ce verdict-là ne vient pas d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien que l'islam prend de d'autres systèmes des principes ou des règles, et puis il les adopte, et puis il les applique par la suite, et que ce n'est pas quelque chose qui est indépendant, ou qui est venu indépendamment avec l'islam, et avec la révélation divine. Donc, de parler de cette manière-là, en soi, c'est déjà une insulte grave. Donc ceux par exemple qui s'inquiètent des attaques et des critiques faites par les ennemis de l'islam lorsqu'ils essaient de mentionner la question de la jizya pour essayer de d'éloigner les gens de l'islam et des règles de l'islam et d'empêcher les gens de se convertir à l'islam en mentionnant ce genre de choses-là, eh bien ceux qui mentionnent ce genre d'excuses-là pour répondre à ces attaques-là sont en train de faire un crime qui n'est pas moins grave que l'accusation et l'attaque des koufars elles-mêmes. Parce que, comme on a expliqué, c'est pas la bonne méthode et c'est pas la bonne façon de répondre aux koufars par rapport au verdict de la jizya ou au verdict de n'importe quel autre verdict que les koufars ont rejeté par rapport à l'islam. L'islam, le cheikh il dit إن الطعن على الإسلام من أعدائه قد بدأ منذ فجر الإسلام وبروزه وبزوره وقد أنزل الله عز وجل حين حول نبيه إلى الكعبة قوله تعالى وقد أنزل الله عز وجل حين حول نبيه إلى الكعبة قوله تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فسمى الطاعنين سفهاء فيجب على دعاة المسلمين وعلمائهم وفقهائهم أن لا يكترثوا بالإشاعات التي يلقيها أعداء الإسلام ضد الإسلام ولنقل لهم هذا حكم الله الذي خلقنا وخلقكم وليس من صنعنا ونحن نؤمن بأن الله لا يشرع إلا ما فيه الخير والصلاح وبالله التوفيق. Donc le cheikh explique ici que les accusations contre l'islam de la part des ennemis de l'islam a commencé depuis l'aube de l'islam, depuis que l'islam est apparu et depuis les tout débuts de l'islam. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, depuis qu'il a, il avait par exemple ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam de changer de direction dans la prière et de se tourner vers la Kaaba, Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé le verset 142 dans Surat Al-Baqarah, dans lequel il dit les faibles d'esprit ou les idiots vont dire, hein, les idiots parmi les hommes vont dire, qu'est-ce qui les a fait changer de la direction dans laquelle ils priaient auparavant? Dit, à Allah appartient l'Est et l'Ouest. Il guide qui il veut vers un chemin droit. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a appelé les gens qui attaquent l'islam et qui critiquent les musulmans de faibles d'esprit et d'idiots. Et donc, dans ce cas-là, c'est obligatoire pour les gens qui appellent à l'islam et c'est obligatoire aux savants et aux fuqaha de ne pas considérer ou de ne pas s'alarmer par les attaques que jettent les ennemis de l'islam contre l'islam. Et on doit dire aux kuffars, lorsqu'ils attaquent l'islam, que ça c'est le verdict d'Allah qui nous a créés nous et qui vous a créé vous également. Et ce n'est pas nous qui l'avons inventé ou qui l'avons ramené. C'est uniquement un verdict que Allah a révélé et nous y croyons. Hein? Et nous croyons que Allah ne légifère que ce qui est le que ce qui est bon et ce qui amène le bien pour les hommes. Et le succès vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est la réponse à donner à ces kuffars là et non pas de réagir d'une manière apologétique ou bien d'essayer de toujours s'excuser et de chercher des moyens de déformer la réalité de l'islam dans le but de faire en sorte que les athées et les juifs et les chrétiens, les kuffars soient satisfaits de nous et soient contents de nous parce que déjà Allah subhanahu wa ta'ala il dit clairement dans le Coran وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودِ وَلَنْ نَصَارَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Les juifs et les chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi jusqu'à ce que tu suives leur religion. Donc c'est un point important à se souvenir en fait, Allah nous dit qu'ils ne seront jamais satisfaits de nous tant qu'on ne suit pas leur religion. Donc, Allah ne ment pas et Allah dit la vérité absolue. Donc, il faut croire en cette parole et justement prendre garde et ne pas tomber dans le piège de ces koufars qui cherchent à critiquer et attaquer l'islam pour que certains musulmans faibles d'esprit ou qui ont une foi faible ou une compréhension faible cherchent à déformer la réalité de l'islam pour leur faire plaisir. Le cheikh ensuite il continue à citer un exemple des paroles de Salim al-Buhansawi. Il dit وقال ايضا فالجزية ترتبط بالمعركة الحربية ولهذا لم يعامل يهود المدينة بنظام الجزية فقد تضمنت وثيقة المدينة انهم امة مع المؤمنين وينفقون معهم واقول إن هذا الكلام فيه تمويه عجيب. Donc le cheikh il dit également Salim al-Buhansawi il dit que la jizya c'est quelque chose qui est rattaché au combat et à la guerre. Et donc, il dit que c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine n'avait pas imposé la jizya aux juifs dans le système. Et ça implique, et il dit pourquoi, parce que il y avait une entente à Médine avec les juifs, et cette entente-là et cette charte-là impliquait que les juifs faisaient une seule nation avec les musulmans et qu'ils dépensaient avec eux. Et Yani, le cheikh, il dit à ce sujet-là, ça c'est une déformation incroyable de la réalité des textes. Le cheikh, il dit, إن هذا, hein, Cheikh Ahmed al-Najmi, il répond, il dit, إن هذا الكلام فيه تمويه عجيب فقوله الجزية ترتبط بالمعركة كلام لا صحة له فقد صالح النبي صلى الله عليه وسلم أهل نجران على الجزية ولم يجري بينه وبينهم حرب وصالح أهل نجران على الجزية ولم يجري بينه وبينهم حرب وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا ثم قال اغزوا بسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغلوا ولا تخذروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن ما أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم إلى أن قال فإنهم أبوا فسلهم الجزية فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم وإن أبوا فاستعن بالله عليهم وقاتلهم أخرجه أحمد ومسلم وابن ماجه والترمذي وصححه وأورده الألباني في صحيح الترمذي بأخصر مما في المنتقى وقال صحيح ورمز له باب ميم باب رقم 9 في دعاء المشركين وفي صحيح البخاري من كتاب الجزية والموادعة في حديث طويل رقم يعني 1,3159 وخرج علينا عامل كسرى في 40,000 فقام ترجمان فقال يكلمني رجل منكم فقال المغيرة يعني ابن شعبة سل عما شئت فقال من أنتم قال نحن أناس من العرب كنا في شقاء شديد نمس الجلد والنوى من الجوع ونلبس الوبر والشعر ونعبد الشجر والحجر فبين نحن كذلك إذ بعث رب السماوات والأراضين تعالى ذكره وجلت عظمته إلينا نبيا من أنفسنا نعرف أباه وأمه فأمرنا نبينا رسول ربنا صلى الله عليه وسلم أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده وأن تؤدوا الجزية وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى الجنة وفي نعيم لم يرى مثلها قط ومن بقي منا ملك رقابكم. Donc le cheikh il dit que la parole de Salim al-Buhansawi ici, c'est une déformation incroyable des faits et des textes et de la réalité. Il dit que la jizya n'est pas du tout reliée au combat et à la guerre. Il dit ça, c'est une chose totalement incorrecte et fausse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une entente avec les gens de Najran qui étaient des chrétiens et il leur a demandé de payer la jizya alors qu'il n'y avait jamais eu entre lui et eux aucune forme de guerre. Ensuite, entre les gens de Bahreïn et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la même chose. Il n'y a jamais eu entre eux et lui de guerre, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis d'accord avec eux pour leur faire payer la jizya. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il mettait quelqu'un à la tête d'une armée ou d'une troupe, il lui commandait de craindre Allah subhanahu wa ta'ala en lui-même et également à ceux qui étaient avec lui parmi les musulmans, et il lui disait combattez au nom d'Allah et dans le chemin d'Allah, combattez celui qui mécroit, qui a refusé de croire en Allah, et combattez et ne tombez pas dans l'extrémisme et ne faites pas de trahison et ne mutilez pas les corps et ne tuez pas les femmes. Et lorsque tu rencontres ton ennemi parmi les mouchriquins, appelle-le à trois aspects ou à trois choses. N'importe laquelle de ces trois choses qu'ils acceptent, alors accepte de leur part cette chose et abstiens-toi de les combattre. Jusqu'à ce qu'ils disent par la suite, et s'ils refusent d'accepter l'islam, alors demande-leur de payer la jizya, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens. Et s'ils te répondent et ils acceptent, alors accepte cette jizya de leur part et abstiens-toi de les combattre. Mais s'ils refusent de payer la jizya par la suite, alors demande l'aide et le support d'Allah subhanahu wa ta'ala et combat. Combat-les. Hein. Donc ça c'est rapporté par Ahmad Muslim Ibn Majah al-Tirmidhi et ça a été authentifié par Tirmidhi et également ça a été rapporté dans Sahih al-Tirmidhi par Al-Albani, une version un peu plus résumée dans le chapitre l'invitation des mushrikin, et également dans le livre de Sahih al-Bukhari dans le chapitre de la jizya. Il y a un hadith très long qui est le hadith 3159 dans lequel on trouve le hadith suivant ou les paroles suivantes. Lorsque un des servants de, ou des gens qui servaient Kisra, c'est-à-dire l'empereur de la Perse à l'époque, il est venu avec 40 000 personnes et il y a un traducteur qui s'est placé et Annie qui est venu devant et pour traduire les paroles de cet homme qui était venu pour parler au nom de Kisra. Et il lui a dit qu'il a demandé qu'un homme parmi les musulmans vienne s'adresser à lui. Alors Al-Mughira ibn Shu'ba est venu et il a dit à cet homme-là, demande ce que tu veux me demander. Et l'homme perse a demandé, qui êtes-vous? Et l'autre, le sahabi a répondu, nous sommes des Arabes. Nous sommes des gens parmi les Arabes, nous étions malheureux, dans une misère très très dure, et pour manger, on n'avait rien à manger, donc on suçait les peaux et les graines, tellement on avait faim. Et on portait des peaux d'animaux, et on adorait les arbres et les pierres. Puis, Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des cieux et des terres, a fait venir parmi nous un prophète, un messager, qui est un des nôtres, qui était un des nôtres, et dont on connaît le père et la mère. Et il nous a ordonné, ce messager de notre Seigneur, nous a ordonné de vous combattre jusqu'à ce que vous adoriez Allah seul, et que vous, ou bien que vous acceptiez de payer la jizya. Et il dit, notre prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous a donc transmis le message de notre Seigneur qu'on doit vous combattre. Et que celui d'entre nous qui est tué durant le combat, il va au paradis. Et qu'il sera dans les délices incomparables, qu'il n'a jamais vu rien de pareil dans ce monde. Et s'il reste en vie, dans ce cas-là, il sera vos maîtres, ils seront vos maîtres. Donc ça c'est la parole qui est mentionnée dans ce hadith. Après le cheikh il dit wa awrada al-Albani fi sahih at-Tirmidhi al-bab raqam 30 bab fi akhd al-jizya anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ba'atha Khalid ibn al-Walid ila Akidar Duma فأتوه به فحقن النبي صلى الله عليه وسلم دمه وصالحه على الجزية. وقال الألباني حفظه الله حسن. وقد تبين من هذه الأدلة أن الجزية حكم شرعي أنزله الله في كتابه وعمل به رسوله صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده حتى دب الضعف إلى أهل الإسلام بسبب المعاصي وترك الجهاد فمنع اليهود والنصارى والمجوس ما كان مفروضا عليهم بالذلة والصغار لهم. Donc le cheikh il explique, il dit que l'imam al-Albani il a mentionné dans Sahih al-Tirmidhi, le chapitre 30, le chapitre qui dit, ou qui parle de prendre la jizya, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait envoyé Khalid ibn Walid à Akidar ou Kaidar Dawama. En tout cas, je ne sais pas bien comment prononcer ce nom-là. Mais ça dit ensuite qu'ils sont venus, il l'a pris et puis il l'a ramené au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam par la suite lui a sécurisé sa vie, il lui a préservé sa vie et il a pris une entente avec lui en échange de la jizya. Donc ça c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a accepté la jizya de cet homme-là. Et ensuite le cheikh il dit que Al-Albani a déclaré ça sahih. Et ensuite, il dit donc qu'on voit clairement ici que la jizya est un verdict qui est révélé par Allah subhanahu wa ta'ala, qui est mentionné dans son livre, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appliqué durant sa vie, et que les successeurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam après lui ont continué à appliquer. Puis que c'est uniquement lorsque les musulmans sont devenus faibles à cause des péchés et à cause du fait qu'ils ont abandonné le combat et le djihad, que Allah subhanahu wa ta'ala par la suite les a punis à cause de ça, et yani les juifs et les chrétiens et les majus par la suite, quand ils ont vu la faiblesse des musulmans, eh bien ils se sont abstenus de respecter les ententes du contrat qu'ils avaient avec les musulmans, et ils se sont abstenus de payer la jizya par la suite. Donc c'est à cause de la faiblesse des musulmans que ces règles-là ont cessé d'être appliquées. Ensuite le cheikh dit: وهذه مصيبة على الإسلام والمسلمين يجب على ذوي الألباب فيهم أن يفكروا في أسبابها حتى يتلافوا في المستقبل ما وقعوا فيه من أخطاء لعل الله عز شأنه وتعالت عظمته يعيد عليهم عزهم ومجدهم ويعيده على ويدليهم على عدوه وعدوهم. ولكن المصيبة العظمى والكارثة المدمرة أن يأتي أقوام ممن يزعمون لأنفسهم أنهم دعاة إلى الله فيجحدوا هذا الحكم ويميعوه تزلفا إلى أعداء الله وتقربا إليهم فإنا لله وإنا إليه راجعون. فإن تعظيم أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم والرضا بحكم الله وحكم رسوله وتقديمه على كل قول وكل رأي. Donc le cheikh il dit, ça c'est un des grands malheurs qui est arrivé à l'islam et aux musulmans, et il est obligatoire pour les gens parmi nous qui possèdent la raison de réfléchir sur les causes de cette faiblesse-là qui nous est tombée dessus, et de faire en sorte que dans l'avenir, yani, on en soit épargné, et qu'on ne retombe pas dans ces erreurs-là, pour que Allah subhanahu wa ta'ala yani, nous remette notre fierté et notre gloire passée, et qu'il nous ramène au-dessus de nos ennemis et de ses ennemis à lui aussi. Mais le malheur, le grand malheur, et la grande catastrophe en fait, c'est le fait de voir que certaines personnes, parmi ceux qui se prétendent eux-mêmes être des gens qui appellent à l'islam et à Allah subhanahu wa ta'ala, sont en train de rejeter et de renier ce verdict de l'islam, et ils essaient de diluer ce verdict-là et de de le déformer pour essayer de se rapprocher aux ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour se rapprocher d'eux. Donc le cheikh il dit inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, ça veut dire nous venons d'Allah, c'est d'Allah que nous venons et c'est vers lui que nous retournons. Donc le cheikh il dit où se trouve le respect du commandement d'Allah et du commandement de son messager sallallahu alayhi wa sallam, et où se trouve le respect et la satisfaction envers le verdict d'Allah subhanahu wa ta'ala et le verdict de son messager, et le fait de qu'on doit le mettre au devant de toute parole, toute opinion, hein. Donc où est-ce qu'on en est par rapport au respect qu'on doit à ces révélations là et à ces commandements là qui viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh ensuite il continue à mentionner des exemples des paroles de Salim al-Buhansawi. Il dit أما قوله ولهذا لم يعامل يهود المدينة بنظام الجزية فقد تضمنت وثيقة المدينة أنهم أمة مع المسلم مع المؤمنين وينفقون معهم. قلت وفي هذه الفقرة تمويه عجيب أو جهل فظيع. الشيخ الزي كسالم البوهنساوي الزي على السويت. Et il dit que, étant donné que, comme on a mentionné tout à l'heure, il a dit que la jizya c'est quelque chose qui était relié à la guerre, il a dit c'est pour ça que, là il continue, il dit c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas appliqué aux juifs de Médine la jizya, parce que il avait une charte avec eux, une entente avec eux, qui faisait d'eux une partie de la nation des croyants. Et il dépensait avec les croyants. Donc, le cheikh il répond à ce sujet-là. Il dit وفي هذه الفقرة, ça, il dit dans ce passage-là, il y a une déformation incroyable de la réalité et une ignorance, ou bien une ignorance incroyable. Et il dit ensuite, je vais lire le texte, la réponse au complet. Le cheikh il dit قلت وفي هذه الفقرة تمويه عجيب أو جهل فظيع فإن يهود المدينة قد أجلي آخرهم سنة 5 من الهجرة بعد غزوة الخندق التي تبين فيها غدر بني قريظة ثم غزاهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ترحل الأحزاب عن المدينة بأمر من الله عز وجل فقد جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد رجوعه من غزوة الخندق وهي الأحزاب فقال له وضعت السلاح أما إن الملائكة لم تضع السلاح وأمره أن يسير إلى بني قريظة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديه أن ينادي أن لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة فحصرهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ فحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبي ضراريهم وتغنم أموالهم وأنزل الله فيهم سورة الحشر وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أجلى قبلهم بني قينقاع وبني النضير وكل هذا وقع قبل سنة 5 وفي سنة 5 آخره آية الجزية نزلت في وآية الجزية نزلت في سنة 9 من ضمن سورة البراءة فأين يهود المدينة وأين الجزية وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم عقد معهم الصلح في أول قدومه المدينة في حالة ضعف المسلمين وهي حالة لها حكمها وإن كان ترك الجزية أولا ثبت بحكم شرعي فإن نزول آية الجزية في سنة 9 يعتبر نسخا لذلك الحكم وإن قلنا إن عدم فرض الجزية على يهود المدينة في أول الإسلام كان مبنيا على البراءة الأصلية وهي ليست حكما ولكنها عدم حكم فحينئذ نقول إن نزول آية الجزية في سنة 9 يعد حكما مبتدئ Le cheikh, il explique donc, en réponse à ce passage-là qui prétend que les juifs de Médine ne payaient pas la jizya, cheikh, il dit, ça c'est une déformation vraiment grave, une déformation de la réalité, et, ou bien une ignorance incroyable, parce que les juifs de Médine, Allah subhanahu wa ta'ala a fait expulser les derniers d'entre eux dans l'année 5 de la hijra, après la bataille de Al-Khandaq, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réalisé la trahison de Bani Qurayza, qui était une des tribus juives à l'époque, qui vivait à Médine. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a combattus, hein, après que les coalisés, les Ahzab, aient quitté Médine. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam de combattre Bani Qurayza. Yani Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Jibril au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu de la bataille de Khandaq, la bataille de l'Ahzab, Jibril est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit: est-ce que tu as déposé tes armes? Les anges, eux, certes, n'ont pas déposé leurs armes. Et Jibril a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam de partir vers Bani Qurayza. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à quelqu'un d'appeler les musulmans. Et il a ordonné aux musulmans de dire aux musulmans de ne pas prier la prière de Asr, excepté lorsqu'ils sont arrivés près de Bani Qurayza. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a assiégés jusqu'à ce qu'ils acceptent le jugement de Sa'd ibn Mu'adh. Et Sa'd ibn Mu'adh a jugé à leur sujet que leurs combattants soient exécutés et que leurs enfants soient pris, hein, comme butin, et que leur bien soit pris également comme butin. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait descendre à ce sujet-là la sourate Al-Hashr. Et lorsque Sa'd ibn Mu'adh a donné ce verdict, et ben le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce sujet-là, il a jugé selon le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Donc ça, c'était le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala qui avait été appliqué. Ensuite, le cheikh, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait expulser déjà auparavant, hein, avant d'avoir expulsé Bani Qurayza, il avait déjà fait expulser auparavant Bani Qaynuqa et Bani Nadir de Médine. Et ça, c'était tout ça, ça s'est passé avant l'année 5 dans le Hijra. Et la dernière événement s'était passé vers la fin de la cinquième année. Tandis que le verset qui parle de la jizya a été révélé à l'année 9 de la hijra. Donc, 3 ans après, même 4 ans après l'expulsion de la dernière des tribus juives de Médine. Donc, le cheikh, il dit, donc où est-ce que se trouvent les juifs de Médine, où est-ce que se trouve la jizya, hein? C'est deux choses complètement différentes, puisque les juifs ont été expulsés de Médine avant même que le verset de la jizya soit révélé. Donc le cheikh, il dit à ce sujet-là que aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait établi une entente avec les juifs, c'est vrai, au tout début, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine. Mais il faut prendre en considération que les musulmans à l'époque, au début, ils étaient faibles. Et donc, ils ont jugé selon le jugement de l'époque qui était basé sur cet état-là. Puis, ensuite, même si on prend en considération le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas appliqué la jizya sur eux au tout début, et que c'était établi par un verdict islamique au tout début, le verset de la jizya est venu par la suite à l'année 9, et ça, c'est, on peut dire que on peut le considérer comme une forme d'abrogation de ce verdict précédent, même si en réalité on ne peut pas dire vraiment ça, puisque la jizya ne pouvait pas être appliquée pour les premiers temps à Médine, puisque le verset n'était pas encore révélé, hein. Donc on peut dire qu'à la base il n'y avait pas de verdict de jizya du tout, et donc le verdict ne pouvait pas être appliqué puisque le verdict n'était pas encore révélé. Et lorsque le verset est révélé, a été révélé par la suite, eh bien là, c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à l'appliquer et à demander ou à implémenter la jizya. Après, le cheikh il dit: « وَأَمَّا مُصَالَحَةُ النَّبِي صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لِأَهْلِ نَجْرَانِ فَقَدْ كَانَتْ فِي سَنَةَ تِسْعٍ لِأَنَّ انصِرَافَ النَّبِي صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَنْ مُحَاصَرَةِ أَهْلِ الطَّائِفِ كَانَ فِي ذِي الْقِعْدَةِ مِنْ سَنَةَ ثَمَانٍ وَلَمْ يَبْقَ مِنْ سَنَةِ ثَمَانٍ إِلَّا شَهْرَ ذِي الْحِجَّةِ وَكَانَ الشُّهُودُ عَلَى كِتَابِ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ الذي كتبه لهم أبو سفيان ابن حرب وغيلان ابن عمرو ومالك ابن عوف من بني نصر والأقراء ابن حابس الحنظلي وكتب عبد الله ابن أبي بكر وروى ذلك أبو يوسف وفي كتابه الخراج. Donc le cheikh il dit, en ce qui concerne l'entente que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait avec les chrétiens de Najran, alors ça c'était aussi dans l'année 9, hein, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait quitté il avait cessé d'assiéger la ville de Taif dans le mois de Zulqa'da de l'année 9, et il restait juste un mois avant la fin de l'année, c'est-à-dire le mois de Zulhijja. Et les témoins de l'entente qui avait été prise par le prophète sallallahu alayhi wa sallam sont Abu Sufyan ibn Harb, Ghaylan ibn Amr et Malik ibn Auf de la tribu de Nasr, Bani Nasr, et Al-Aqra ibn Habis Al-Hanzali. Et celui qui a écrit ça, c'est Abdullah ibn Abi Bakr, le fils d'Abu Bakr al-Siddiq, et ça a été rapporté par Abu Yusuf dans son livre Al-Kharaj. Et le cheikh il dit ensuite: وقد تبين مما سبرته أن شرعية الجزية كانت متأخرة عن إجلاء يهود المدينة بأكثر من 3 سنوات، وأن قول البهنساوي بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعامل يهود المدينة بنظام الجزية إما تمويه من البهنساوي إما تمويه من البهنساوي إن كان يعلم ما ذكر أو جهل منه إن كان لا يعلمه، وكلاهما يدل على ما وراءه من سوء القصد عياذا بالله من الضلال المهلك والهوى المعمي، وإنا لله وإنا إليه راجعون. Donc le cheikh, pour terminer cette partie-là, il dit, et d'après ce qu'on a clarifié maintenant, on peut comprendre que la jizya c'est un verdict de la révélation, de la charia, qui est venu en tout dernier, hein, dans l'islam, et qui est venu après l'expulsion des juifs, et qu'il y a plus que 3 ans qui séparent la date de l'expulsion des juifs de Médine et l'application de la jizya ou la révélation de la jizya. Donc la parole de Al-Buhansawi, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas implémenté, n'a pas appliqué la jizya sur les juifs de Médine, c'est une parole qui en réalité est une preuve de déformation de la réalité, hein? Et ça c'est dans le cas où il savait ce qu'on a mentionné, mais s'il était ignorant à ce sujet là et qu'il ne connaissait pas ces choses-là, dans ce cas-là, ça prouve également qu'il avait une mauvaise intention, hein, et que c'est une forme d'égarement qui amène à la perdition, et une passion qui aveugle, qui les pousse à agir de cette façon-là. Et il dit que, encore une fois, « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ». C'est d'Allah que nous venons, et c'est vers lui que nous allons retourner. Donc, on va s'arrêter ici, Inch'Allah, et on continuera la suite, Inch'Allah, samedi prochain, bi'idhnillah. Subhanakallahu wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayhi.